cheval ma nébuleuse. Nos envies sont crapuleuses, on a envoyé déjà fabuleuse. Combien l'ont dû finir en tapineuse. Nos problèmes sont épineux, mais on tente de les résoudre. L'esprit vandale, des idées troubles, pas dans le sommeil que l'on dessous. On veut des sous du 45 à rue de Nantes, odeur de plantes et de substances. On a nos plans pendant que l'avenir est en suspens. T'attends la fin pour le suspense. Y'aura des quatre génériques, les génériques de nos fautes, les établis, les sauts pour un destin féerique. Au-delà du périphérique, tu pourras voir s'élever ma tour. Les charcoutières et les chatons demandent conseil au vieux matou. Du monde honnête, déconnecté, les neurones se court-circuitent. On se mate le nombril dès qu'on souffre, alors qu'ailleurs les gens bouffent de la terre cuite. J'ai ignoré les appels de phare, pris l'autoroute en sens inverse. Dealer d'Axam, Vénus sous glace, on se à faire pour se mettre au vert. Si tu veux me voir, je suis au D4 avec Asmode, Rez et Nino. Demande tonton, le macrologue. Et que Mac d'un bacino. Des gros, la vie a fait ses dents sur moi. J'porte pas de collant comme les dents sur moi. J'porte le Treika qui tu sens sur moi. On les emprunte, j'ai les gants en cuir noir. J'vais assassiner le futur car je sais qu'il a un mauvais plan pour moi. Les frères poussent la barre, c'est pousser la barre. Tous sur du sport, tous à la barre. Accusés de crime barbare, plein de la folie passagère. Si tu nous vois pas, c'est que ça gère. Quelques des gros le seum pour ça agir. Je voulais m'enfuir du bâtiment de la haine. J'ai sauté du 19ème étage. 26 palais que je chute, j'attends l'atterrissage. Personne veut finir dans un lit, une couche dépendant d'une pute. C'est mon destin, je demande à Dieu qu'elle ces bâtards me pute. ASMO, TTR, Arcade, Décat, Paris, 19 à Aubert. TN, McDonald's, son tueur orchestre, assassin, place de mes compères. On s'en fout la nausée, fout la merde. Retiens tes tripes, tu vas les perdre. Prends mes parents là, t'en saoules, vas-y, je sers un dernier verre. Malfaisant, on se déploie. Le 19, le 9-3, t'entendras nos exploits. Bla bla, fuck la boîte, les CRS. Les villes-ci, dans la ville, les gens perdent la tête. J'perds pas, non. Dans mon cerveau, dans le ghetto. Face à face, à face, à face. Je la casse, la face. Grave, clôt, armé, tout comme moi, d'un ghetto. Dark Action, terre-terre. Représente pour mes potos. La zut, Valdez. Esprit macabre, dans l'île, dans ces déboires. Ok, fuck les putes qui devant les stupes. Faut les langues de pute. Ici, y'a que des mecs de rue qui kick dans le tas pour de la neutu. Mort à pécru, rouillard. Comme la banane, tu te reçois dans le cul. Dans les jazz, c'était fragile. Les visards te marcheront dessus. Ok, je t'explique. Dust. Ici l'oseille fait pas l'honneur. Ouais, pour ouais. Ceux qui portent le hin, j'ai toujours l'œil dans le viseur. Ouais, on est pété du crâne, d'après ce que tu disent les bourgeois. Ouais. Sous l'effet du rose-bois, du collage, les miens font place au carnage. On lâche rien, on a faim, on s'en sort qu'avec ses moyens. Le destin est dans nos mains, la vision des choses est bien loin. 100% africain, faut se tirer avec un putain de butin. Dans Pleura, y'a trop de pantins, ça c'est RTN, gros cousin. Va et viens sur le terrain, chacun cherche à avoir son pain. Arrêtez faire les gueudins, y'a toujours plus zinzin. T'as la sale chien pour un joint, se mettre en mode sous-marin. On met pas ce que tu feras demain, sans témoin, on se fait témoin. PSP, vandale est mon esprit, criminel est mon instinct. Quand je kick, faut que ça tue jusqu'au refrain. Ce morceau c'est du lourd pour nos refrains qui triment dur. Du craft la pure, pour sortir de ces putains de murs. Tous les jours angoissés par ces connards. Te juge par rapport au passé. Destin de vie à moi c'est gâché. On dit les choses pour que vous le sachiez. On vit cette vie qui n'est pas rose avec un mental d'acier. Malfaisant, on se déploie. Le 19, le 9-3, t'entendras nos exploits. Bla bla, fuck la boîte, les CRS. Les villes-ci, dans la ville, les gens perdent la tête. J'perds pas, non. Dans mon cerveau, dans le ghetto. Face à face, à face, à face. On la casse, la face. Crash, flow, armé du 20 moins un ghetto. Dark Action, terre-terre. Représente pour mes potos. La zut, Valdez. Esprit macabre, t'enlise dans ces déboires. Frère.